Leçon 2. Document 1, page 32. Allez Mathilde, on joue ? À quoi ? Tu dois trouver un personnage célèbre de l'histoire en posant des questions seulement sur ses habitudes. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Monsieur X roulait en voiture à essence ? Non, il roulait en voiture à cheval. Est-ce qu'il travaillait beaucoup ? Oh oui, il s'occupait d'affaires importantes. Est-ce qu'il vivait dans un château ? Oui, un très beau château. Est-ce qu'il se levait tôt ? Assez, oui. Est-ce qu'il prenait un bain tous les jours ? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'habillait tout seul ? Non, beaucoup de personnes l'aidaient à le faire. Est-ce que ces personnes lui mettaient une perruque sur la tête ? Oui, bon, tu as compris. On continue, Vincent. Est-ce qu'il prenait ses repas avec ses amis ? Non, mais pendant qu'il mangeait, les gens le regardaient. Est-ce qu'il se promenait dans les rues de la ville ? Bien sûr que non, seulement dans son parc. Une dernière question. Est-ce que les gens assistaient à son réveil ? Absolument. Il se levait très tôt et venait tous les matins dans sa chambre. C'est Louis XIV, bien sûr. Le roi Soleil.